Le système n'ayant pas tenu ses promesses. Ils ont mis la jeunesse dans la détresse. Victime d'une adolescence plongée dans la tristesse. On se retrouve dans les terrasses de bars sans cesse. Comme l'éclair, c'est le dancehall qui te met des claques. Pour les sœurs et frères, je suis un bitch, je vais au contact. Beaucoup de misère et beaucoup trop de coups de matraque. Je suis honte au microphone, ceci est une musique à l'attaque. Tu prends pour un con, je te réponds, c'est du tac au tac. Logement pour tous, voilà d'avoir ma première remarque. Liberté de vivre avant que la populace se croque. Comme un cher d'assaut, je faille avant tous ces bambous claques. C'est du 100%, je te garantis que c'est pas du light. Tu portes un costard et des cravates, là je te braque. Dans la tête des ghettos, y'a de cette idée. Sache que les jeunes ont l'ego. C'est pour ça qu'on prend le micro pour vous dire qu'ici c'est chaud. Y'a pas compris Babylon nous la joue sexy Joe. Justice pour les hommes, demande justice pour les autres. Pourquoi y'a pas de temps pourtant t'es pas plus bête qu'un autre. Nous promettent une vie meilleure, promesse des mythos. Moi je te tramerai ça, je te promets Babylon. Les jeunes veulent plus se battre, le système nous a fatigués. Combien d'années encore dans l'exclusion à mariner. Partout c'est crapaud, les fusils prennent la place des mots. Combien d'années d'injustice encore à porter sur son dos, hey. Justice, justice pour tous les ghettos. Justice, justice pour tous les enfants. Justice, justice pour aller de l'avant. Mais encore combien de temps? Justice, justice pour tous les ghettos. Justice, justice pour tous les enfants. Justice, justice pour aller de l'avant. Mais encore combien de temps? Laissez passer les jeunes révoltés. Laissez passer, laissez exprimer tous à l'assemblée. N'essayez plus de les tromper, n'essayez plus les stopper. Sinon un jour pour vous, ça risque de chauffer. Vous ferez pas croire qu'ils sont sans âme et qu'ils n'ont pas d'idée. La justice leur salue, oui man, avec qui ils sont nés. Je